Dire donc, enfin, le dire, donc, enfin le dire, donc, et le dérouler, je déroule, je le déroule. Alors évidemment, il y a des silences. Et donc une voix se retrouve ici, là, maintenant, qui segmente, qui scande, qui casse le flux en mots, en phrases. Et donc une voix qui divise le flux, le son, pour en faire quelque chose. En disant le dire ou en le déroulant, il peut très bien arriver que le flux ou que le son. Donc les yeux fermés, en ouvrant les yeux, j'imagine que. Et on pourrait ajouter qu'au fond, mais bien de le dire. Hein, de dire donc enfin, hein, dans un écho lointain. Dire donc enfin, en écho, en clin d'œil, dans une sorte de battement d'aile, à dire un il donc, dire deux il donc, et oh. Dire un, dire deux il donc, je serai quand même bientôt tout à fait mort, enfin, dire donc enfin, le dérouler. Dérouler le dire sans le dire, hein, sans le. Enfin, dire, non pas sans chercher à dire, mais dire en le disant quelque chose d'autre que ce qui se dit. Du livre Dire un, de Daniel Colomer, et sans peut-être même avoir lu ce texte, parce que c'est une œuvre que je découvre avec un rythme lent, un rythme décousu, avec beaucoup de silence, avec des oublis. Discours, le discours, le discours, le cours discontinué, cours, et un discours, quelque chose qui arrêtait, coupait, sectionnait ce cours, ce long disque, ou un décollement du cours. Donc, une barre d'attache pour relier le discours, c'est-à-dire une barre d'attache continuée, discours. Décoller, arracher du cours au moyen en continuant, dire donc enfin et enfin donc le dire. Et donc, donc le dire enfin pas à pas, en le déroulant et en l'essoufflant, de oui, voilà, hein, quelque chose de l'ordre d'un raclement, en cherchant des détours, en cherchant d'autres. Non pas quelque chose de l'ordre de dans lequel on fuit, cherchant à le dire, on cherche à fuir, à on cherche une fuite, une fuite, quelque chose qui. Et peut-être que dans cette fuite, nous revient à l'esprit l'idée que nous nous faisions du cours, hein, le cours du discours, ce cours qui s'étend longuement comme un long fleuve tranquille et que par la voix articulée et la parole. D'autres bruits, d'autres sons, et dire donc enfin, non pas dans un souffle, dans un seul souffle, mais notre souffle est court. Et discontinu, alors répétitif, là en boucle, etc. Mais tout de même, ça va et ça vient, ça rentre et ça sort. Toujours dedans et dehors, une voix intérieure, une voix extérieure. On expire. On inspire. On renifle. Une barre d'attache pour relier le discours. Continuer. Reprise nécessaire. Des reprises nécessaires pour continuer avec l'envie du cours, avec effort. Parce que les reprises, des arrêts, en même temps à continuer à maintenir la reprise, laisse aller. Donc continuer, reprise nécessaire avec effort, laisse aller qui renverrait au champ du cours, au domaine du cours, laisse aller, laisse sortir, laisse courir, laisse en cours, laisse le cours. Dire donc enfin, laisse aller le cours des choses.